Poème 57, Les Petits. Petit Paul. Sa mère, en le mettant au monde, s'en alla. Sombre distraction du sort, pourquoi cela? Pourquoi tuer la mère en laissant l'enfant vivre? Pourquoi, par la marâtre au deuil, la faire suivre? Car le père était jeune, il se remaria. Un an, c'est bien petit pour être paria. Et le bel enfant rose avait eu tort de naître. Alors, un vieux bonhomme accepta ce pauvre être. C'était l'aïeul. Parfois, ce qui n'est plus défend ce qui sera. L'aïeul prit dans ses bras l'enfant et devint mère. Chose étrange et naturelle. Sauver ce qu'une morte a laissé derrière elle. On est vieux, on n'est plus bon qu'à cela. Tâchez d'être le doux passant, celui que vont chercher d'instinct les accablés et les souffrances en nombre, et les petites mains qui se tendent dans l'ombre. Il faut bien que quelqu'un soit là pour le devoir. Il faut bien que quelqu'un soit bon sous le ciel noir, de peur que la pitié dans les cœurs ne tarisse. Il faut que quelqu'un mène à l'enfance en nourrice la chèvre aux fauves yeux qui rôde au flanc des monts.